بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نشرع اليوم في درسنا الثاني في تفسير سورة الفاتحة. On commence aujourd'hui le deuxième cours concernant l'exégèse de سورة الفاتحة. On avait vu plusieurs points la semaine dernière, dont la signification de Ar-Rahman et Ar-Rahim, la différence entre les deux. J'avais cité qu'un avis, je sais, certains vont me dire qu'il y a un avis qui stipule que Ar-Rahman, c'est pour tout le monde, musulmans et non-musulmans, et Ar-Rahim, c'est spécifique pour les musulmans. J'ai directement, la semaine dernière, cité donc le deuxième avis, quel avis qu'a choisi le cheikh Sa'di rahimahullah, ainsi que le cheikh Ibn Uthaymin et d'autres parmi les ulémas. Quel est ce deuxième avis? Mashallah. On recommence le cours la semaine dernière. Ar-Rahman, même ma'na Ar-Rahman. Dhu rahmatil wasi'a. Taïb, Ar-Rahim. Ça, c'est le premier avis. Et donc, Ar-Rahman, c'est celui qui possède la miséricorde vaste. Ar-Rahim, dhu rahmatil wasila. C'est celui qui possède la miséricorde qui parvient à qui il veut parmi ses créatures. La différence entre les deux, Ar-Rahman, muta'allikun bis-sifa. Ar-Rahman, c'est un nom qui est lié à son attribut, le fait qu'il est miséricordieux. Ar-Rahim, muta'allikun bil-fi'l. Ar-Rahim, c'est un nom qui est lié à l'acte. Le fait qu'il fasse parvenir cette miséricorde à qui il veut. Et on avait cité qu'une personne peut avoir une caractéristique, mais elle ne peut pas l'appliquer. On avait cité l'exemple de Jamel. Jamel, on avait dit que tu étais Karim. Et donc, on avait dit qu'il était généreux. On avait cité l'exemple que Jamel, il était enfermé. Il est enfermé, il ne peut pas appliquer sa générosité. Et donc, il a la caractéristique en lui, mais ne peut pas l'appliquer. On a dit, Allah Azza wa Jal, il a cet attribut et il l'accorde à qui il veut parmi ses créatures. Et donc, on continue aujourd'hui, on commence avec l'exégèse de la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ça, c'est le deuxième verset de Surat al-Fatiha, deuxième ou troisième? Troisième? Premier. Selon le cours de la semaine dernière, on dit celui-là c'est quoi? C'est le premier. Naam. Et donc c'est le premier verset. Et donc on commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, avec le premier verset. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, la louange. Ay anna Allah tabaraka wa ta'ala huwa al-mustahiq li jami'i anwa'il mahamid. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui mérite toutes les louanges. Et donc la louange, ce qui est voulu ici, c'est un nom qui englobe toutes les louanges. Toutes les louanges reviennent à Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc qui va louer Allah azza wa jal? C'est nous. C'est nous qui allons le louer. Et donc cela, c'est lié à quelle forme de tawhid? On a trois types de tawhid. Al-Uluhiyya, on va réviser aujourd'hui. Al-Uluhiyya, le deuxième. Le troisième, Asma wa Sifat. C'est quoi tawhid al-Uluhiyya? Hein? Muta'allikun bi af'al al-ibad. Tawhid al-Uluhiyya, le tawhid dans la divinité, c'est un tawhid qui est lié aux actes des serviteurs. Ay ifradullah fil ibada. Le fait que les serviteurs vont affirmer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration. C'est un tawhid qui est lié aux actes des serviteurs. C'est nous qui allons l'adorer. Taïb. Tawhid al-Rububiyya. Le tawhid dans la seigneurie. Celui-là, il est lié aux actes d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait que c'est lui qui crée toutes choses, qui gère toutes choses, etc. Et donc, celui-là, c'est le fait d'unifier Allah tabaraka wa ta'ala, affirmer l'unicité d'Allah dans ses noms et attributs, dans ses attributs tabaraka wa ta'ala, dans ses actes à lui. Tawhid al-asma wa sifat, l'unicité dans les noms et attributs. Donc le troisième, c'est le fait d'affirmer ce que Allah tabaraka wa ta'ala s'est décrit lui-même comme nom et attribut dans le Coran ou dans la Sunna, sans renier ou changer ou faire ressembler Allah tabaraka wa ta'ala à sa créature. Et donc ça, c'est important. Voilà en gros, en général, de façon résumée, les trois formes de tawhid. Et donc lorsqu'on dit Alhamdu lillah, ça c'est quelle forme de tawhid? Al-uluhiyya. L'adoration, la divinité. Parce que c'est nous qui allons le louer. Fahim, pourquoi est-ce qu'on loue Allah Azza wa Jal? Nahmedullah tabaraka wa ta'ala li esma'ihi wa sifatihi al-kamila. On loue Allah tabaraka wa ta'ala par rapport à ses noms et ses attributs parfaits. Ses attributs de perfection. Tout ce qu'il fait tabaraka wa ta'ala. Fa'inda al-muslimin la yusafu Allah tabaraka wa ta'ala bin naqs. Et donc, chez les musulmans, Allah n'est pas décrit comme ayant des défauts. On ne décrit pas Allah tabaraka wa ta'ala comme ayant des défauts. Est-ce que c'est la même chose chez les juifs et les chrétiens? Non. Voilà pourquoi c'est une grave erreur ceux qui nous disent des trois religions célestes. La abadan. Abadan, trois religions célestes. Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre une religion. Allah tabaraka wa ta'ala a rendu obligatoire à un peuple une religion qui lui manque de respect, qui lui accorde des défauts. La religion juive, ce n'est pas une religion céleste. La religion chrétienne n'est pas une religion céleste. À la base, al-Yahoudiya, ce n'est pas une religion à la base. C'est une origine. Comme il dit Cheikh Oubaid, rahimahullah, hafidahullah. Al-Yahoudiya, c'est une origine. Al-Nasraniya, c'est eux, la chrétienté, les chrétiens. C'est eux qui se sont attribués ce nom. C'est pas Allah Azza wa Jalla qui leur a donné ce nom, c'est eux qui se sont attribués ce nom. Alladhina qalu inna nasara. Ceux qui ont dit inna nasara. Ils ont dit inna nasara, idan hum nasara. Et donc ils sont nasara. D'accord. Et donc on peut pas dire que la religion chrétienne c'est une religion céleste. Et encore pire, le fait de dire que ce sont des religions monothéistes. Ça on le verra, inshallah. Et donc, par rapport à cela, parmi les exemples qui montrent que les juifs ont accordé des défauts à Allah tabaraka wa ta'ala, la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولًا. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans le sens rapproché de la traduction, et les juifs ont dit que les mains d'Allah sont fermées. Que leurs mains sont fermées et qu'ils soient maudits à cause de ce qu'ils ont dit. Mais au contraire, ces mains sont pleinement ouverte. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah, il accorde à qui il veut sa subsistance. Les juifs, ils veulent dire par là qu'Allah ne donne pas. Il n'accorde pas de subsistance, de richesse à ses serviteurs. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont dit? وَصَفُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ بِأَنَّهُ تَعِبَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ بَعْدَ مَا خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et donc, ils ont dit que Allah tabaraka wa ta'ala, il s'est fatigué, il s'est reposé après avoir créé les cieux et la terre. Et donc, ça aussi, c'est une faiblesse, c'est un défaut. Et donc, là, on a cité juste des exemples, mais il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres encore. Par contre, chez les musulmans, non. En islam, on n'attribue pas de défaut à Allah tabaraka wa ta'ala. Taïb, il y a un point important que nous devons voir, inshallah ta'ala, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Alhamdu lillah. Et donc toutes les louanges reviennent à Allah. Jami al-Mahamid lillahi ta'ala. On avait dit quoi la semaine dernière? Même arna Allah, ça veut dire quoi Allah? Celui qui est adoré. Barakallahu fik. Celui qui est adoré. Et donc, par rapport à ça, il y a un point très important. فَبَعْدُ مَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى الْإِسْلَامِ يَحْمَدُونَ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَعْ ذَلِكَ وَصَفُوهُ بِالنَّقَائِسِ. Il y a parmi les gens qui s'affilient à la religion musulmane, ils louent Allah tabaraka wa ta'ala, et donc le fait de le louer par rapport à ses attributs de perfection, et malgré cela, ils vont lui attribuer des défauts. فَهَذَا مِنْ تَنَقُدَاتِهِمْ. Et donc ça fait partie de leurs contradictions. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur croyance, ces gens-là ? قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فِي كُلِّ مَكَانٍ. Ils ont dit que Allah est partout. Allah, il est partout. Et donc ça, c'est le fait d'accorder à Allah tabaraka wa ta'ala un défaut. Parce que partout, ça veut dire qu'il est aussi dans cet espace qui est attribué aux créatures faibles. Ça veut dire qu'il est aussi dans les toilettes. Ça veut dire qu'il est aussi dans les excréments. Et Allah est partout. Tayyib, est-ce qu'ils ont une preuve dans cela ? Ils se sont basés, en rajoutant leur mauvaise compréhension, sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Et il est Allah dans les cieux et sur la terre. En fonction de ce qu'on a dit la semaine dernière, je voudrais que vous m'expliquiez la signification de ce verset, une signification correcte qui réplique à l'ambiguïté de ces gens. C'est-à-dire que ces gens nous lisent ce verset, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard, il est Allah dans les cieux et sur la terre. Ça veut dire yarhamukallah, ça veut dire, selon eux, ils nous disent, ça veut dire que Allah est dans les cieux et il est aussi sur la terre et donc il est partout. Voilà leur compréhension. Je veux que quelqu'un qui n'a pas encore parlé me donne la réponse à cette ambiguïté en se basant sur ce qu'on a vu la semaine dernière et qu'on a révisé cette semaine. Vas-y, Jamel. En fonction de ce qu'on a vu la semaine dernière et qu'on a révisé aujourd'hui. Par son essence. Non. Non. Alors, les frères, on a vu quoi la semaine dernière ? La signification du nom Allah. C'est toi qui as répondu. Ça veut dire quoi, Allah ? Celui qui est adoré. Taïb. Et donc, comment tu comprends ce verset ? Et il est Allah dans les cieux et sur la terre. Barakallah. Et c'est lui qui est adoré dans les cieux et sur la terre. D'accord ? Et donc ça ne veut pas dire que Allah est dans les cieux et sur la terre. Non, il est adoré dans les cieux et sur la terre. Ya'buduhu ahlus sama'i wa ahlul ard. Les gens du ciel et les gens de la terre l'adorent. Et donc c'est pour ça que c'est important, c'est très important de comprendre ces choses-là. Certains vont me dire, mais Abdelkarim, on apprend aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Allah, mais quand même, on est des adultes, etc. Ça, c'est des cours que tu vas faire avec les enfants, etc. Attends, je vais vous dire, les frères, il y en a qui se sont égarés. Il y en a qui se sont égarés sur ce sujet. Ils nous disent, Allah est partout. Parce qu'ils n'ont pas compris à la base la signification du nom Allah. Et donc, lorsqu'ils sont arrivés sur ce verset, ils ont bloqué. Et donc, c'est important, les frères, qu'on apprenne ces choses essentielles. Certains vont nous dire à chaque fois, on répète, et-tawhid, et-tawhid, aqsamu tawhid. C'est important que ça rentre. Nahnu nahtaj ilayhi, on en a besoin. À cause du grand nombre d'ambiguïtés qui sont propagées dans la communauté musulmane. Idan, Allah. Et donc, Allah, il est où ? Fils et mère. Au-dessus. Taïb, les chrétiens, est-ce qu'ils disent que Allah est au-dessus des cieux ? Hein ? Il dit ça ? Ils sont moins égarés que ceux qui disent qu'il est. Qu'il est partout, mais ils ont quand même. C'est-à-dire que les chrétiens, ils vont dire que Allah est dans les cieux. Ils ne vont pas dire au-dessus des cieux. Ils vont dire qu'il est dans les cieux. Ça aussi, c'est une autre erreur. Et beaucoup de personnes, lorsqu'ils voient les textes des chrétiens, ils pensent que les chrétiens affirment el-ulou, affirment le fait que Allah est au-dessus de ses créatures. Non, ils ne l'affirment pas totalement. Parce que pour eux, Allah est dans les cieux. Il n'est pas donc au-dessus de ses créatures. Nous, dans la religion musulmane, on affirme que Allah est au-dessus des cieux. Il est au-dessus de ses créatures. Tabaraka wa ta'ala. طيب اذا في هذه الايه انواع التوحيد الثلاثه. Il y a dans ce verset qu'on a vu aujourd'hui les trois formes de tawhid. Il y a les trois formes de tawhid. Alhamdu, donc la louange, les louanges, ici c'est tawhid, al-uluhiyya, l'unicité dans la divinité. Lillahi, ici c'est al-asma wa sifat, les noms et attributs. Allah, c'est un des noms d'Allah, c'est un de ses noms. Et donc ici, c'est lié au tawhid, lié aux noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Rabbil alamin, le Seigneur des mondes. Toutes les louanges reviennent à Allah, le Seigneur des mondes. Et le Seigneur des mondes, et donc c'est lié à la seigneurie. C'est lui qui gère toutes choses. C'est lui qui gère tout ce qui se passe ici. فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَا يُبَيِّنُ لَنَا أَمْرًا مُهِمًا وَهُوَ أَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ. Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans ce verset, il nous montre un sujet important, c'est que c'est lui le seul qui mérite l'adoration Tabaraka wa Ta'ala. Et cela, لِأَنَّ تَوْحِيدَ الرُّبُوبِيَ مُسْتَلْزِمٌ لِلْأُلُوهِيَ. Parce que l'unicité dans la seigneurie implique obligatoirement l'unicité dans la divinité. Certains vont me dire, oulala, là c'était du chinois. Non. L'unicité dans la seigneurie implique l'unicité dans l'adoration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu affirmes in kunta tuqir bi anna Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu khalaqa as-samawati wal ard wa yunzilu al-matar wa yarzuqu al-ibad fa in kunta tuqir bi dhalik. Et donc, si tu affirmes que Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui fait descendre la pluie, c'est lui qui accorde la subsistance, si tu affirmes cela, pourquoi est-ce que tu vas adorer autre que lui? Et donc, si tu affirmes l'unicité dans la seigneurie, dans la logique, tu dois affirmer l'unicité dans l'adoration aussi. Et donc, c'est un rappel. Allah nous fait le rappel, il nous montre que c'est lui le Seigneur des mondes. Et donc, vu que c'est lui le Seigneur des mondes, pourquoi on va adorer autre que lui? Pourquoi est-ce qu'on va louer autre que lui? Et c'est avec cette méthode que vous devez prêcher les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils affirment. Ils affirment que Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé. Ils affirment, ils ne vont pas te dire, non, c'est Jésus qui a tout créé. Même si aujourd'hui, il y a un tout petit groupe, un tout petit groupe chez les chrétiens, ils affirment que Jésus a participé à la création des cieux et de la terre. J'ai débattu sur ce sujet une fois avec un prêtre, c'était il y a quelques semaines, il n'y a pas longtemps, il y a moins d'un mois. Et c'est un peu énervé parce qu'il pensait que je disais que c'était la religion des catholiques. Et je lui disais non, c'est un groupe chrétien qui dit ça. Il dit non, ça c'est pas chez nous ça. C'est pas chez nous. Et donc les catholiques, eux, donc le groupe le plus répandu chez les chrétiens, eux ils ne disent pas ça. Ils ne disent pas ça, il faut être juste quand même. Ils ne disent pas que Jésus a participé à la création des cieux et de la terre. Ça, c'est un autre groupe, encore une très petite minorité. Ils sont justement caractérisés comme une secte chez les chrétiens. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre comment prêcher ces gens-là. Ces gens-là qui affirment que Allah, c'est lui qui a tout créé, que c'est lui qui nous accorde la subsistance, que c'est lui qui a créé Isa, alayhi salam. Taïb, law anna Allah huwa alladhi khalaqa Isa, limaza ta'budu Isa? Si Allah c'est lui qui a créé Isa, pourquoi est-ce que tu adores Isa? Adore celui qui l'a créé. Ya ayyuhan nas, quel est le premier ordre du Coran? Le premier ordre qui est cité dans le Coran. Si tu prends le Coran, tu ouvres le Coran, tu tournes les pages, tu verras le premier ordre. Ya ayyuhan nas a'budu rabbakum. Oh gens, adorez votre Seigneur. C'est tout. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Celui qui vous a créé et qui a créé les gens d'avant vous, qui a créé ceux d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Et donc Allah il nous montre, adorez votre Seigneur. Li'annahu huwa alladhi khalaqakum. Adorez votre Seigneur parce que c'est lui qui vous a créé. Et donc, si tu affirmes que c'est lui qui t'a créé, tu ne dois pas adorer autre que ton créateur. Et donc ce point-là, il est important de le comprendre dans ce verset qu'on a vu aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et la semaine prochaine, on continuera l'exégèse de cette sourate très importante. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا